Et oui, les enfants prennent le contrôle des ondes de CKRL 89.1. Ça va arriver pendant deux jours, enfin deux émissions en fait pendant le Radioton. Demain, vous entendrez d'autres enfants. Mais aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir, moi, Jessica Leb, des enfants que je reçois régulièrement dans mon émission Première Loge. On peut le dire, ils viennent à toutes les semaines parce qu'ils couvrent des activités culturelles, des événements à Québec. Autant que les journalistes, ils m'impressionnent de jour en jour. Ils sont beaucoup plus nombreux d'habitude, mais on en a trois aujourd'hui qui se sont lancés le défi d'animer une émission en direct et en public à CKRL 89.1. Avant de vous les présenter, j'aimerais une bonne main d'applaudissements pour cette première émission des Enfants du Machin Club. Alors, autour de la table, Briseïs. Bonjour, Briseïs. Bonjour. Emma. Bonjour. Et puis, Julia. Allô. On va vous découvrir au fur et à mesure de l'émission, mais on a aussi des invités. Comme vous y connaissez bien en culture, ben on va mettre les invités à l'épreuve aussi. Briseïs, c'est quoi la mission du Machin Club pour commencer? Alors le Machin Club, c'est un organisme à but non lucratif qui est dans le but de faire découvrir les arts médiatiques aux jeunes à travers la photo, la vidéo et la radio. Et puis on fait beaucoup de sorties pour aller découvrir des expositions, des événements, plein de choses, à travers des interviews, des voyages, plein de choses. Enfin, c'est vraiment le fun. Même des voyages. Hein. Oui. Vous êtes des fois allé très très loin de Québec pour parler d'activités culturelles ou d'autres missions, parce que chaque activité que vous couvrez, c'est une mission. Mm-hmm. Toi, ça fait combien de temps que tu es impliquée au Machin Club, Briseïs? Moi, j'ai commencé le Machin Club en maternelle avec la radio de l'école. Ok. Et puis, je suis allée voir le temps des muffins. Et puis après ça, en fait, le Machin Club venait vraiment juste de commencer. Puis là, après ça, j'ai fait d'autres sorties avec le Concorde. Puis là, je me suis inscrite au Machin Club. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 9 ans. Réfléchis, j'ai 9 ans. Très bien. On continue notre tour de table. Rebonjour, Emma. Bonjour. Quel âge tu as? Des 10 ans. T'as 10 ans? Toi, t'adores la lecture au Machin Club. Oui. Qu'est-ce que tu préfères faire au Machin Club? Les bouquineurs. Qu'est-ce que c'est les bouquineurs? À chaque mois, il y a une suggestion de lecture avec un ou plusieurs livres, basé sur un thème. Puis là, on le lit et à la fin du mois, on en parle à la radio. Avec Vicky Sans Façon? Oui. Qui est-elle? Une libraire jeunesse dans la librairie Pantoute. Exact. Et elle fait aussi des chroniques à CKRL le matin dans l'émission Les Matins Éphémères. Donc on voit qu'elle a à cœur la jeunesse même au-delà des frontières de la librairie et de CKRL. Mais on écoute les bouquineurs de temps en temps parce que moi j'aime toujours qu'ils me disent quels livres ils ont aimé, moins aimé. D'ailleurs, on va parler de plusieurs livres dans cette émission. Le printemps du Machin Club, j'ai même pas encore dit le titre. Julia, toi, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. 12 ans. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes faire au Machin Club? Beaucoup les sorties culturelles avec plusieurs invités. Avec des entrevues aussi? Ouais. Quelle sortie t'as le plus aimé avec le Machin Club, tu t'en souviens? C'est sûrement Où tu vas quand tu sors en marchant. C'était vraiment très amusant. C'était magnifique aussi. On va en parler pendant l'émission. Parce que l'une de nos invitées a créé un indice, a créé un tableau de où tu vas quand tu dors en marchant. Alors, on va accueillir notre première invitée justement, c'est Briseïs qui va le présenter. Oui, donc... Qui est ton prochain invité, Briseïs? Mon invité est un rappeur, un historien et un formateur d'ateliers d'écriture. Il a voyagé à travers le monde pour donner ses ateliers. Et pour faire des tournées aussi, là. Ouais. Et il est même venu jusqu'au Machin Club pour nous aider à écrire notre chanson. Et j'ai à côté de moi Webster. Bonjour. Bonjour. Bonjour Webster. Oui, on peut l'applaudir. Merci. Les enfants ont préparé la présentation de chacun de leurs invités. Vous aurez droit à ça sous forme de devinettes. Webster, est-ce que c'est la première fois que tu te fais interviewer par des enfants? Il me semble pas, hein, puisque tu as rencontré le Machin Club. Oui, on avait interagi ensemble au Machin Club, mais sur les ondes, comme ça, c'est la première fois. En direct et en public. Ouais. Alors les filles, quelles sont vos questions pour Webster? Alors, ma première question, Est-ce que tu te rappelles quand tu t'as aidé à écrire la chanson thème du Machin Club? oui, je me rappelle un petit peu. Ça fait quelques temps, mais oui, je me souviens quand je suis allé, puis on s'est rencontrés, on a beaucoup échangé, puis travaillé sur le chant lexical aussi. Pourquoi t'as accepté de faire une chanson avec le Machin Club? Ben parce que je trouve que c'est vraiment un beau club. Je trouve que c'est une belle initiative de Pamela, Pammy Poppins. On se connaît bien. Quand elle m'a approché pour ça, je suis comme ah, ça, sans faire plaisir. Puis vous êtes la relève aussi, que ce soit la relève culturelle, littéraire, scientifique, journalistique. Et donc, pour moi, c'est important d'encourager ces initiatives-là. On va préciser, Pamela, Pammy Poppins, c'est la directrice artistique du Machin Club, est avec nous aujourd'hui, mais on laisse la place aux enfants de plus en plus. Vous voyez, ils sont capables de prendre le micro tout pendant une heure. Briseis, autre question pour Webster, parce que tu as des choses à nous raconter sur cet atelier d'écriture. Selon toi, c'est quoi la première étape quand on veut écrire une chanson? Selon moi, la première étape, c'est de réfléchir. C'est-à-dire juste de penser, réfléchir, mettre les idées ensemble, faire s'entrechoquer les idées, les mots, etc. Puis, ensuite, c'est d'appliquer les mots sur le papier, que ce soit sous forme de chant lexical ou directement de texte. Puis, selon toi, c'est quoi le style de la musique de notre chanson? Je dirais style éclaté. C'est-à-dire que, justement, il y a plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte. Ça sort du cadre du hip-hop. C'est-à-dire que c'est les esprits de différentes personnes, des jeunes, des plus vieux, qui se rassemblent pour faire cette chanson-là. Donc, quoi, c'est style éclaté. As-tu déjà entendu la chanson du Machin Club? Pas celle-ci, non. J'ai entendu ce qui avait été fait au début, comme le cadre sur lequel on travaillait, la chanson que vous aviez créée au camp, je sais pas si c'est au camp Trois Saumons, mais il y avait... Le camp Trois Saumons. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai entendu cette base-là et on a travaillé à partir de ça, mais j'ai hâte d'entendre la chanson complétée. Mais tu sais quoi, Webster? Je ne te l'ai pas envoyé pour faire exprès de l'entendre ici, en public, à CKRL. Donc, il faudra bien être attentif, parce que peut-être que les enfants auront d'autres questions à te poser. Uh-huh. Comment s'appelle la chanson, Briseis? On gère la situation. C'est bien ça. On l'écoute. Là, on précise avant de l'écouter que la chanson est disponible sur le SoundCloud du Machin Club. Il y a déjà pas mal d'écoutes quand même. Je pense que vous avez explosé 350, 500, 400, me confirme-t-on quand même. Donc, c'est pas pour rien. Il y aura une surprise aussi dans la chanson Webster. Je te mets au défi de reconnaître qui a pu collaborer avec les enfants du Machin Club. On va voir si on est prêt. On est prêt. On l'écoute. On gère la situation. Le Machin Club. Dans nos activités, on y reçoit plein d'invités, tous spécialisés pour notre insatiable curiosité. Si vous pensez qu'on sait juste jouer, vous verrez le monde se transformer. Expulse ton imagination, qui dort contre dans son cocon. Hey, stimule donc toutes tes questions, tu vas vivre plein de sensations. Hey, d'âge. Non. C'est moi qui a la balle, puis je te fais une passe. On prépare des tournages pour tous les âges. Laissez-vous surprendre par nos personnages. On a des milliers d'idées, on va le rendre mage. Comme ton point pâle qui change les lèvres mages. On fera naître des sourires sur vos visages. Allez, le court-métrage vous attend sur notre page. Fais-le pas avec le vent d'un dent, fais-le avec un cœur d'enfant. Saisis le On gère la situation, le Machin Club. C'est un featuring, hein, c'est une collaboration. Webster, as-tu reconnu J'ai cru déceler mon ami Maybe Watson de À la claire ensemble, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est la bonne réponse, les filles? Oui. Pour l'anecdote, c'était pas prévu au départ. Les enfants du Machin Club devaient chanter, donc elles sont allées en studio d'enregistrement. Je dis elles parce qu'elles sont là, mais il y a ils aussi. Ils sont allés au studio d'enregistrement de Claude Bégin. Et on a rajouté en surprise cette collaboration avec À la claire ensemble. Donc c'est quand même pas rien pour une première chanson. Hein? C'est très bon, hein? Je dois le stipuler. C'est très très fort, là. Bien rappé, bien chanté. La chanson est très entraînante. C'est pas facile de rapper, surtout dans l'enfance. Non, c'est pas facile. Puis d'être en studio aussi. Je veux dire, c'est une chose d'écrire, c'est une chose de dire. Mais d'être en studio puis rapper, c'est comme, yo, félicitations, là. Briseïs, t'as eu un couplet dans cette chanson, rapper. Oui. Puis je m'en suis rendu compte, justement, en studio, que c'est vraiment plus compliqué que ce qu'on pense. Je me suis réécoutée puis je me suis dit, ouais, peut-être que je suis pas parfaitement, tu sais, dans le bon rythme, mais ça devient vraiment compliqué quand on est en studio. Oui, mais c'était ta première fois. Oui. Il y en aura d'autres. Oui. Elle te réserve des surprises. Alors, donc on a déjà demandé à Webster comment il trouvait la chanson, mais Briseïs a une autre question existentielle pour toi. Quel genre de situation tu gères, toi? Oh! Ici, dans le quartier, avec mes amis de Limoilou Stars, on a une expression, on dit toujours « gère ta sous ». Gère ta sous, ça veut dire « gère-toi, fais ce que t'as à faire ». Puis quand quelqu'un parle trop, tu dis « gère ta sous ». Fait que moi, je te dirais que je gère ma propre sous, là. Je gère toutes mes situations, que ce soit en musique, en histoire, dans la vie de tous les jours, là. Je suis un adepte du gérage. Qu'est-ce qui t'inspire à Québec? Oh! C'est drôle, c'est très cliché, mais pourtant, ça me parle beaucoup. C'est l'histoire de la ville. Tu sais, on est dans une ville relativement vieille, ben, du moins par rapport à l'Amérique du Nord. Et le vieux Québec m'inspire encore. Ça fait 38 ans que je suis ici, ça fait 38 ans que je marche dans ces rues-là, mais ça m'inspire toujours. Puis sinon, ben, le quartier ici m'inspire beaucoup, les gens avec qui j'ai grandi, puis les différentes dynamiques. La culture hip-hop de la ville de Québec m'inspire beaucoup aussi. Une culture à laquelle j'ai contribué depuis les 20 dernières années. Et de la voir foisonner comme ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Aussi, tu viens juste de rentrer d'une tournée de spectacle en Inde. Est-ce que ça t'a aussi inspiré? Ah oui, oh, tellement. J'ai beaucoup aimé l'Inde. Et c'est un pays qui est très inspirant de par son histoire, de par sa culture. Et j'ai très bien reçu aussi, j'ai apprécié la réceptivité des gens à ce que j'amenais comme art. Et bon, je pourrais y retourner comme là. Tu me dis, je pars là, je suis comme, c'est bon, j'abandonne tout, puis je pars en Inde. Et quel conseil tu nous donnerais pour... Parce qu'on va créer un album avec une chanson pour chaque pétale, parce que le logo du Machin Club est en forme de fleurs. Ouais. Et il va y avoir une chanson pour chaque pétale. C'est bien ça. Et donc, quel conseil tu nous donnerais pour chaque chanson, pour faire une chanson différente pour chaque pétale? C'est ça. Écoutez, moi, je vous dirais, allez-y comme vous le sentez. Et c'est jamais facile. Surtout, faire un album, c'est pas facile. Donc, ne vous découragez-vous pas. Continuez, avancez, faites-le avec simplicité, faites-le parce que vous avez envie de le faire, faites-le parce que vous aimez le faire. Puis je pense que comment vous abordez vos activités avec le Machin Club, vous devez faire la même chose pour l'album. C'est-à-dire, amusez-vous. Faut pas que ça soit une tâche, faut pas que ça soit lourd, faites juste vous amuser, allez-y comme vous le sentez, et puis vous allez réussir, vous avez déjà l'esprit puis le cœur pour le faire. C'est des beaux conseils, ça. Oui. C'est prévu pour quand, l'album, les filles? On ne le sait pas encore. Peut-être au prochain Radioton en 2019, on aura le début de l'album qui sera commencé. On s'en reparlera, bien sûr. Webster, pour terminer, il y avait une question sur cette saison parce que l'émission s'appelle le Printemps du Machin Club. Et donc, les enfants voulaient savoir quelque chose par rapport à cette saison. Non, tu t'en souviens pas. Est-ce que le printemps t'inspire, toi, Webster? Oui. Oui, parce que c'est la fin de l'hiver. Je veux dire que la neige parte, là, puis là, ce serait temps qu'elle parte, là. Pour moi, c'est très inspirant. Même je suis en grève, là, j'ai rangé mes bottes. Ah ouais? C'est fini. Ah ouais, c'est vrai. Il y a plein de neige, puis je suis comme, ah non, la neige ne m'aura pas. Et donc, je suis tanné de la neige, puis c'est ce que le printemps m'inspire, l'espoir de l'été, puis du soleil, puis de pouvoir être dehors un peu. Webster, tu restes avec nous parce que toi, ton cadeau pour les enfants du Machin Club, pour le public qui est présent ici à CKRL, c'est une prestation dans la partie de cette émission. Donc, on va pouvoir t'entendre rapper ici. C'est le moment de nous rejoindre au 405 3e Avenue. Si vous voulez voir Webster, l'entendre, encourager les enfants, venez. On est en onde jusqu'à 14h avec les enfants du Machin Club. Merci, Webster. Ça fait plaisir. On a deux autres invités à accueillir autour de la table. Donc, on va commencer par Emma. Qui est ton prochain invité? Mon prochain invité est une auteure de 17 mois jusqu'à 17 ans. Son dernier livre était Première Avenue, inspiré sur le quartier Limoilou. Donc, je l'ai lu aussi. J'ai lu plusieurs livres aussi de cette auteure, Émilie Rivard. Bonjour Emma. Bonjour Émilie. On peut l'applaudir, oui. Tu seras aussi présente au Salon international du livre de Québec. Qu'est-ce que tu aimes faire là-bas? J'aime surtout rencontrer les autres auteurs. C'est sûr que c'est un travail très très casanier, on fait notre petite affaire chacun de notre côté, mais de pouvoir rencontrer les collègues, c'est toujours bien amusant, c'est toujours bien plaisant. Mais je pense que évidemment la grande joie des auteurs au Salon du livre, c'est de rencontrer les lecteurs, c'est de rencontrer ceux qui nous connaissent déjà, ceux qui nous découvrent, et pas seulement ceux qui vont acheter nos livres. Des fois, les gens n'osent pas venir nous parler parce qu'ils disent « Ah non, j'ai pas vraiment le goût d'acheter ces trucs ». Mais juste discuter avec les jeunes, parce que tu l'as dit, j'écris surtout pour les jeunes. Donc, de discuter avec eux, de voir ce qu'ils aiment, de voir ce qu'ils aiment dans leur lecture, mais même dans leur vie en général, c'est tellement riche pour nous. C'est vraiment toujours très agréable. Je vais juste rappeler, excuse-moi Emma, que le Salon international du livre de Québec, c'est pour très bientôt puisque ça démarre mercredi prochain. Oui. Pour toi, Émilie, tu seras présente les 13, 14 et 15 avril pour différentes séances de dédicaces. On peut ramener tous les livres d'Émilie Rivard, va tous les signer. Oui, voilà. Tout à fait. Pourquoi écrire des romans jeunesse? Au départ, c'était un peu par hasard. Je pensais, oui, écrire du jeunesse, mais écrire un petit peu de tout. Et c'est ce qui a fonctionné en premier très vite. Mon premier roman, il y a 13 ans, c'était un travail universitaire que j'avais fait puis que j'avais bien aimé. C'était un roman pour premier lecteur. Et ça a toujours continué comme ça. Et je découvre dans la littérature jeunesse une magie, une folie, une liberté que je saurais pas encore trouver dans la littérature adulte. Donc, c'est pour ça que j'ai autant de plaisir. Et d'écrire pour des enfants de 4-5 ans, et écrire pour des adolescents 16-17 ans, c'est tellement différent de toute façon que je peux pas me tanner là-dedans. Donc, voilà, c'est pour ça que j'adore la littérature jeunesse. Notre question, Emma, pour Émilie Rivard. Est-ce que vous avez écrit un premier livre, mais quel était votre premier livre? Donc, il s'appelait « Mon frère est un vampire », comme je le disais, il y a 13 ans déjà, illustré avec Mika, qui participe à plusieurs de mes projets, plus de la moitié de mes projets, donc sont faits en collaboration avec Mika. Est-ce que, si admettons, vous étiez maintenant, puis vous vouliez écrire un... Est-ce que vous aimez encore votre livre ou vous dites que vous n'aurez pas écrit ça si vous étiez... ça, c'est une excellente question. Oh, oui. J'ai la chance d'avoir écrit un premier roman qui me plaît encore. Il y en a quelques-uns que j'aime moins et que j'écrirais autrement, justement, pas que je renie complètement, mais que je retravaillerais avec l'expérience. Mais le premier... sans être parfait, il n'y a pas grand-chose que je changerais parce qu'il y a aussi la naïveté de la nouvelle auteure aussi que j'aime bien dans ce roman-là, puis que je garderais là, si j'avais à le refaire. On a décidé, Émilie, de te joindre à une autre auteure de la ville de Québec, et c'est Briseis, cette fois, qui va nous la présenter. Alors, mon invité sera présente au Salon international du livre de Québec. Mon invité à plus de 25 millions de fans. Non, 1000. Déjà, c'est bien. Pardon. C'est pas grave. 25 000 fans. 25 000 fans sur Facebook. Mais on te le souhaite quand même. Mon invité participe au Festival Québec BD dans le cadre des Chroniques de Montcalm. Alors, bien sûr, je parle de Bac. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bac. On peut l'applaudir aussi. Alors, toi, tu es illustratrice, tu es BDiste, en fait. Oui, les deux, les deux. Oui. Jeunesse. Et puis, juste une question pour te présenter. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner? Wow! J'ai toujours dessiné, mais tu sais, je pense que comme tout le monde dessine quand il est petit, là, je pense que tous les enfants dessinent. Je pense que la différence avec les illustrateurs ou en tout cas les artistes qui font ça professionnellement, je pense que c'est juste une question que on continue, puis on continue à pratiquer beaucoup, puis ça devient vraiment une passion qu'on développe, là. Mais c'est sûr que je dessine depuis que je suis toute petite, là, chez nous, chez mes parents, il y a encore des dessins en dessous des meubles qui sont à moi. Donc, c'est juste une mise en bouche parce qu'on va continuer à découvrir Bac dans quelques instants. Juste avant ça, Briseis, on a un montant à annoncer parce que je rappelle que CKRL est en pleine période de Radioton. Objectif, 42 000 $. Et ce samedi 7 avril à 13h, combien on a récolté, Briseis? Alors, si je me trompe pas, ce serait 13 400 $. 13 462 $. Chaque dollar compte. On peut applaudir ce montant, s'il vous plaît. On en veut plus. Vous avez jusqu'à dimanche 21h pour faire vos dons, pour miser sur les lots d'encan. Il y en a 95 en théâtre, en livres, en bien-être, en restaurant. On vous laisse découvrir tous ces lots et on revient avec le printemps du Machin Club. Partenaire majeur du Radiothon de CKRL, la barberie est ancrée dans son milieu depuis 1997. Première entreprise coopérative microbrassicole au Québec, unissant le savoir-faire d'une équipe de passionnés de bière et l'engagement social. La Barberie, heureuse de s'associer à CKRL 89.1. Labarberie.com. De retour avec le Machin Club pour cette émission, le printemps du Machin Club. Une émission, moi je suis juste là en soutien au cas où, mais elle gère vraiment la situation. Briseis et Emma qui sont encore avec moi, on va entendre Julia dans quelques instants aussi. Des enfants entre 9 et 12 ans qui animent cette émission pour la première fois en direct et en public. Je pense que ça mérite encore une fois une bonne main d'applaudissements pour les applaudir. C'est KRL qui laisse la chance aussi aux enfants. Webster parlait très bien de la relève culturelle, artistique, journalistique. J'ai beaucoup aimé ces mots-là. Et c'est vraiment ce qu'elle représente aujourd'hui. On s'est quitté avec Briseis et Bac. Briseis venait tout juste de présenter Bac, illustratrice de Québec avec plus de 25 millions de fans partout sur la planète et dans l'univers. Et t'avais d'autres questions pour Bac, Briseis? Oui. Bac, ton dernier livre est Ma vie avec un scientifique, la fertilité, avec India Desjardins. Qu'est-ce que c'est de travailler avec elle? Ah, ben là, ça a vraiment été un charme travailler avec India. Comme je racontais tout à l'heure à Webster, je racontais, elle est fine pour vrai, India Desjardins. Là, c'est pas juste un personnage. Tu sais, des fois, on voit des gens à la télévision, puis on se dit, oh, ils ont l'air gentils, puis en vrai, c'est pas vrai. Mais elle est vraiment gentille pour vrai. C'est une vraie gentille. Puis, en fait, on a vraiment eu un bon travail d'équipe. On s'est compris tout de suite. Puis c'est ça, je pense que ça fait un bon livre finalement. De quoi parle ce livre en quelques mots aussi? Oui, en fait, c'est vraiment, bon, c'est pas tant un livre pour les enfants, là, parce que ça parle d'un sujet quand même assez adulte qui est le processus de fertilité pour avoir un enfant. Mais ça les intéresse aussi. Mais ça hein? peut vous intéresser ouais. tout à fait, c'est pas parce que ça s'adresse à un public plus âgé que vous pouvez pas le lire, c'est sûr, là, même ça pourrait. Ça fait bien d'avoir d'autres sujets dans la vie, tu sais. Donc, c'est surtout ça le sujet. Donc, c'est vraiment une fille et son chum qui essaient d'avoir un enfant par procréation assistée. Et voilà. Donc, c'est autant des histoires de couple, des petites anecdotes, et toutes ces anecdotes-là qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais qu'on essaie d'alléger ça un peu. Donc, toi, tu as illustré ces anecdotes-là. Oui, donc c'est moi qui ai illustré, mais il y a quand même un petit travail d'équipe sur l'écriture. Le India me laissait quand même beaucoup de marge de manœuvre par rapport à tout le découpage de la bande dessinée, ou tu sais, des fois j'avais le droit d'enlever des dialogues ou d'en rajouter si je trouvais que ça marchait mieux. On discutait pareil, là. Mm-hmm. J'ai pas changé son texte sans sa permission non plus. On travaillait vraiment en équipe là-dessus. Alors là, je m'en vais plus dans le thème de l'inspiration. Le printemps, est-ce que ça t'inspire des choses? Qu'est-ce que ça t'inspire, si oui? Ben, j'adore le printemps parce que justement, c'est la promesse de l'été. Non, mais c'est le bonheur, c'est le beau temps qui s'en vient, puis les gougounes, puis la crème glacée. Puis. Non, c'est ça, ben, c'est sûr que c'est toujours le fun, l'été qui s'en vient, évidemment. Qu'est-ce qui t'inspire à Québec? Qu'est-ce qui m'inspire à Québec? Ben moi, je suis née ici, donc c'est sûr que c'est ma ville natale et je l'aime d'amour. Mais qu'est-ce qui m'inspire? Oh là là! Ben Québec, c'est... Ben, j'aime beaucoup la vie culturelle de Québec. Je trouve que ça s'est vraiment beaucoup amélioré dans les dernières années. Il y a vraiment beaucoup de variétés, de toutes sortes d'activités culturelles. Puis je pense qu'on est bon là-dedans, Québec. Donc oui, ça serait ça. Il y a aussi le Festival Québec BD qui commence tout juste aujourd'hui, d'ailleurs. Et on peut retrouver les dessins de Bac dans le Festival Briséis. Oui, de toi, tu participes avec dans les corps des chroniques de Montcalm. Justement, qu'est-ce que c'est le projet des chroniques de Montcalm? Oui, donc en fait, avec Parenthèse 9, on essaie toujours de mixer la bande dessinée avec d'autres médiums qui n'ont aucun rapport avec la bande dessinée. Par exemple, il y a quelques années, on a fait mélanger avec le cirque, par exemple, la bande dessinée. Donc cette année, on a essayé de mélanger la bande dessinée avec la réalité augmentée. Donc en fait, quand on se promène sur la rue Cartier, il y a 8 planches de bande dessinée qui sont un peu partout entre les magasins. Puis en fait, avec une application que tu télécharges sur ton téléphone, tu regardes comme si tu prenais une photo finalement. Puis la bande dessinée, elle se complète hors de la bande dessinée là. Donc l'histoire se complète. C'est un peu difficile à expliquer comme ça. Faut quand même bien le voir pour bien comprendre. Mais c'est ça. Donc au fond, tu peux vraiment continuer l'histoire à travers ton téléphone. Donc c'est quand même assez... Je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Je pense que ça va pogner. Les chroniques de Montcalm qu'on peut voir donc sur l'avenue Cartier, dans le quartier du Machin Club, d'ailleurs, oui. Sous votre quartier général, se trouve dans Montcalm. Il faut télécharger cette application. Et le Québec BD se termine dans une semaine, le 15 avril. Mais pour ce projet, c'est jusqu'au 30 septembre. En effet, vous avez tout l'été. Là, vous pouvez attendre qu'il fasse un peu plus beau. Là. On peut commencer aujourd'hui aussi, mais bon, cet été, ça va être encore plus agréable d'y aller. Alors, cette fois, les enfants, Emma et Briséis, avaient des questions pour vous deux, Émilie Rivard et Bac, pour mettre en commun votre métier d'auteur, finalement, que ça soit en dessin ou en texte. Emma? Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Pas encore. Ben non, pas encore. Ça sera peut-être le début d'une collaboration. Voilà. C'est ici que ça commence. Ben oui. C'est qu'Airel a vu la naissance de nombreuses collaborations. Emma lance ça dans les airs. Sait-on jamais. Et quel a été votre livre le plus agréable à écrire? Et que c'est une grosse question, ça. J'essaie d'avoir du plaisir avec tous mes projets, sinon je les abandonne en cours de route. Si j'ai pas de plaisir, je me dis, c'est sûr que les lecteurs n'auront pas de plaisir non plus à lire. Donc, j'ai eu du plaisir à écrire vraiment tout ce que j'écris, finalement. Oui, je vais arrêter ça, là. Et bien, oui, dans mon cas, c'est sûr que ma première bande dessinée, c'est pas facile d'être une fille. C'est sûr que c'était mon premier livre. C'est sûr que j'ai mis beaucoup d'amour dedans. Donc, peut-être que c'est lui qui me vient premièrement à l'esprit. Mais mon dernier livre avec India Desjardins, j'avoue avoir eu beaucoup de plaisir à le faire aussi. Là. Et une dernière question, Emma. Est-ce que vous avez déjà écrit une histoire semblable à la vôtre? Il y a un petit peu de moi dans plusieurs de mes personnages, mais c'est jamais voulu. Donc, souvent, je m'en rends compte par la suite, en relisant ou en retravaillant, évidemment, en retravaillant mes textes, je fais « Oh! » Oui, c'est vrai que ce personnage-là, finalement, il y a beaucoup de moi à l'intérieur. J'ai pour la première fois avec Première Avenue, tu en parlais tout à l'heure, qui se passe dans Limoilou, c'était la première fois où je campais mon histoire dans un quartier réel. Et là, bon, le personnage reste presque chez moi, donc c'est sûr que tous les repères, c'était des repères que c'était ma vie au quotidien, mais sans que ça soit ma vie dedans, finalement. C'était mes promenades quotidiennes, un peu plus. Mais c'est très rare que je vais prendre vraiment mon quotidien, ma vie, mais les gens qui m'entourent, que je vais mettre clairement dans mes livres. Là. Et dans mon cas, ben, c'est sûr que moi, j'ai fait de la bande dessinée autobiographique, donc c'est sûr que je me suis beaucoup inspirée de ma vie. Puis même sur les réseaux sociaux, quand je raconte des histoires, je fais de l'illustration, souvent c'est moi le personnage. Donc oui, souvent. Sauf que, bon, là, en majorité, les projets que je fais, mettons, pour les livres pour enfants, tout ça, que c'est écrit par quelqu'un d'autre, en général, bon, c'est pas vraiment moi, là. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite touche, je pense, de nous qu'on intègre dans nos projets. Alors, voilà pour ces questions communes sur nos auteurs de la ville de Québec. On l'avait promis en début d'émission, on l'a interviewé en ouverture. Webster, notre rappeur de Limoilou, de Québec international, offre un cadeau aux enfants du Machin Club et interprète Québec History X ici à CKRL. Venez nous joindre, 405 3e Avenue. Mic check, 1, 2. Yo, ok, check. Je ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindienne et noire, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer? Pour vous dire comment c'est. D'abord faut nuancer, l'histoire est romancée. Manipulée, elle est écrite par les vainqueurs. On a toute partie dissimulée, les hypocrites datent pas d'hier. Back in the days, sur de 1604, Champlain débarque avec à son bord un black. Mathieu d'Acosta dit l'interprète. Il parle micmac français et hollandais. En 1629 arrive Olivier le jeune, premier esclave pertorié dans la jeune ville de Québec. Au moins 6000 esclaves au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Yo, c'est fou, à force de fureté en mâche découvert, Lionel Groux prenait la pureté des races. C'est la même pour Garneau, FX Garneau, Québec History X. On facile ce tableau, mais pourtant il y avait des hommes d'affaires noires, on était dans les régiments. D'autres étaient coureurs des bois, avaient aussi des aubergistes. Ils veulent nous faire croire que les noirs sont ici depuis les années 70. 719 points de sable Jean-Baptiste, un médecin tillet a fondé un poste de traite en Illinois. Nowadays on l'appelle Chicago, black francophone à fond des Chicago. Jackie Robinson, Oliver Jones et Oscar Peterson. La liste est longue mais pas tant que ça. Trop d'héros oubliés qui ont contribué à notre passé mais peuvent le souligner. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire, il faut se souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 6 minutes, l'ignorance diminue. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire, il faut se souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 6 minutes, l'ignorance diminue. Au 19e siècle, c'est pas du tout fini. Envoyer les Chinois faire le chemin de fer dans tout le pays. Détonateurs vivants, envoyer creuser la roche avec la nitroglycérine, ça sautait à leur approche. Le pâté chinois, ça vient de là. Bœuf, maïs et patates, tout ce qu'on trouve dans le West Side. À toi puis moi, ça a rien de rien tasse. Mais sûr qu'on leur donnait pour les nourrir rentables. Maintenant les Indians, man. L'on eut bad, les Indiens, génocide à grande échelle, à trop grande échelle. La mémoire des Amériques était jamais entachée. Les premières armes bactériologiques, on leur donnait des couvertures et bébés de variole. Tu vois la suite, un choc microbiologique et viol culturel. Être vu en étranger sur sa propre parcelle. Des terres ancestrales, c'est l'industriel. Fait qu'encore 21e siècle, l'âme des ancêtres. Rare, on parle de col, de viol et d'alcool dans les fioles. Le haut taux de suicide, des menteurs à l'bol dans les réserves. Je comprends qu'il y en a qui a s'attaqué au gouvernement. Comme dans le temps qu'elle est s'attaquer dans les réserves. Je comprends qu'il y en a qui a s'attaquer au gouvernement. Comme dans le temps qu'elle est s'attaquer. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire, il faut se souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 6 minutes, l'ignorance diminue. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire, il faut se souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 6 minutes, l'ignorance diminue. Je prétends du machin club. Yo, machin machin club club, machin machin club, machin machin club club, machin machin club. Yo. Merci. Webster. Pour le Radioton de CKRL, pour les enfants du Machin Club, vous êtes dans l'émission Le Printemps du Machin Club qui, tranquillement, pas vite, arrive à ses dernières 10 minutes. On va maintenant laisser la place à Julia, l'une de mes co-animatrices. On va parler théâtre maintenant. Julia, qui est ta prochaine invitée? Ma prochaine invitée est la co-conceptrice du tableau Mouvement Perpétuel dans Où tu vas quand tu sors en marchant. Elle accepte toujours de jouer des rôles dans nos courts-métrages du Machin Club, même les plus odieux. Et elle a même été ma gardienne. Je vous présente Sophie Thibault. Ouais. Bonjour tout le monde, salut. Alors Julien, on t'écoute. Quelles sont les questions que tu veux poser à Sophie Thibault? Ben, je me demandais, qu'est-ce qui t'a inspiré quand tu étais petite pour être une actrice. Une comédienne. Je dois t'avouer que on dirait que du plus loin que je me souvienne, on dirait que j'ai toujours voulu faire ça, tu vois. C'est un truc qui m'a habité. J'ai commencé, moi, à faire en faisant de la danse. Donc, j'ai touché à la scène en faisant de la danse. Puis ensuite, j'ai vu ma cousine qui faisait des spectacles au secondaire. Et puis là, j'ai comme fait, ah! Moi, je veux pas être dans la salle. Je veux être là, à sa place. Je veux dire des mots, je veux être costumée, je veux jouer, je veux chanter. Donc, aussitôt au primaire, là, c'était en moi. Évidemment, c'était un rêve. Puis après, c'est en vieillissant que j'ai étudié au secondaire en art dramatique. Ensuite, au cégep, je faisais de l'improvisation et tout. Puis ensuite, j'ai compris le chemin qu'on pouvait prendre, aller à l'école de théâtre. Et ça a fonctionné pour moi. J'ai été très chanceuse. Puis ensuite, j'ai fait l'école. Puis me voici. Donc, puis j'ai toujours aimé beaucoup, moi, les films, la lecture, la musique, à cause de mes parents. Donc, je crois que c'est l'univers de la culture m'a toujours habité. Puis ça a été une passion. Puis c'est devenu finalement mon métier. Ouais. Mais plusieurs disent que c'est difficile de vieillir pour une actrice plus que pour un acteur, car on est plus exigeant envers les femmes côté image, look. Je pense qu'elle veut savoir ce que t'en penses. Mais c'est une excellente question, Julia. C'est vrai que on pense, on dit que c'est plus difficile pour les femmes parce que je sais pas pourquoi, mais on dirait que les gens aiment pas voir les rides. Mais surtout les rides féminines, hein, on aime pas ça voir les gens vieillir. On dirait que ça, peut-être que ça nous projette ce qui nous attend, hein. Puis on n'a pas le goût de ça, de penser à notre propre vieillesse. Mais je sais pas, mais on dirait que je trouve que dans ces derniers temps, je trouve que ça change quand même un peu. On dirait que, tu sais, il y a eu la mode de la chirurgie plastique et tout ça. C'était vraiment intense. Et là, je trouve qu'on se tourne vraiment plus vers le naturel. Puis je trouve qu'au Québec, quand même, on est chanceux. On a des beaux modèles féminins de femmes qui vieillissent autant à la télévision comme les journalistes. Hein. Il y a quand même Sophie Thibault, la lectrice de nouvelles. Hein. Tu vois, on m'en parle souvent. Hein. Et puis, elle, c'est une belle femme à la télévision. Il y a Guylaine Tremblay, Sylvie Drapeau. Donc, moi, je trouve que c'est des bons modèles. Et pour vrai, moi, je suis dans la trentaine, OK? Puis dans la jeune trentaine. Puis j'assume mon âge. Puis tu vois, on dirait que j'ai pas peur de vieillir. Ouais. J'ai envie de le vivre pleinement. Puis d'être un modèle pour justement les jeunes filles comme toi. Pour que toi aussi, t'aies pas peur de vieillir. Okay. Hein? En beauté. Mais tu as dû jouer parfois des rôles où tu devais embrasser des inconnus. Ou apparaître en tenue très légère sur scène. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est gênant? Ben, je pense que t'as fait des recherches en toi. Moi, j'ai joué dans un spectacle à l'Abordée qui s'appelait La chatte sur un toit brûlant. Ça, c'est un film, un classique, là. Et puis, j'ai eu la chance de jouer ce grand rôle-là. Et comme le titre le dit, hein, La chatte sur un toit brûlant, c'est une femme qui est pleine de désirs et qui essaie de reconquérir son mari. Et puis, oui, bien, je devais être en petite tenue, tu vois. Au début... je me demandais, est-ce que ça me dérange? Jusqu'où je veux aller? Est-ce que, tu sais, parce que parfois, il y a de la nudité jusqu'au bout. Et le metteur en scène, lui, il voulait que j'aille jusqu'au bout, que je me dénude le torse, qu'on voit mes seins. Et tu vois, moi, j'ai réfléchi, puis à un moment, j'ai fait, ben moi, je trouve pas que ça va dans la proposition de cette pièce-là. Je trouve pas que mon personnage a besoin de se dénuder à tel point. Je trouve que parfois, la sensualité et l'érotisme, c'est aussi beau avec un léger déshabillé. Donc, j'ai maintenu mon point. Puis tu vois, j'étais en déshabillé, mais pleinement assumée. Puis je pense que ce qui est important, c'est que lorsqu'on te demande de faire des trucs comme ça, soit sur une scène, soit dans un film ou à la télévision, il faut que tu sois bien avec ça toi-même. Donc, si t'es bien, ensuite le public, il va bien le recevoir. Puis je pense que les gens étaient pas mal de me voir en petite tenue parce que moi, je m'assumais complètement avec mes défauts, mes qualités et tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un bon défi d'actrice là, de faire ça. Parce qu'on joue vraiment une heure devant des gens. Puis d'habitude, on réserve ça à nos amis plus proches. Hein? Ouais, c'est ça. Julia va même aller plus loin dans la question. Est-ce que tu accepterais de jouer dans une pub de quelqu'un ou quelque chose de vraiment loin de tes valeurs, mais super payante? Genre... Hey, je m'attendais pas à des questions comme ça ce matin. Julia, qu'est-ce que je... Ben, c'est une excellente question. Je dois t'avouer que moi, présentement, Je suis avec acteur associé, donc je me représente moi-même. J'ai pas d'agent. Je suis comme ma propre agente. Donc, quand je vois les breakdowns, les trucs qui passent, c'est moi qui décide si je me propose ou non. Okay. Et puis, je dois t'avouer que oui, je réfléchis si je veux être reliée à telle ou telle compagnie. Donc, même si ça serait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là. Ouais, faudrait que je réfléchisse. Mais, c'est très difficile. Mais je crois que j'irai avec mes valeurs. Parce que ça, la publicité, hein, ça va me suivre tout le restant de mes jours. Ouais. Quand je vais être une vieille, vieille madame, là, on va me sortir ça sur YouTube, puis je vais être gênée. Je vais faire, ouais. Bon, j'aime mieux pouvoir me regarder dans le miroir puis être en paix avec moi. Ouais. N'est-ce pas un peu angoissant de ne pas savoir si tu vas avoir... un revenu le mois suivant. Je tiens à préciser que toutes les questions viennent des enfants. Nous n'avons absolument rien soufflé. Non, j'en doute pas. C'est la recherche de Julia. Donc, tu veux savoir si c'est angoissant de ne pas savoir si je vais toujours avoir des sous et travailler. Ben définitivement, c'est angoissant. Je peux te dire que même ces temps-ci, là, je suis pleinement dans un truc. Moi, depuis mars 2017, pas le mars qu'on vient de passer, mais l'autre, jusqu'en janvier, là, j'ai travaillé sans arrêt, OK? Même pas de vacances, jamais. Et ensuite, je suis allée en vacances, finalement. Et quand je suis revenue, en février, là, c'était le néant. Il y avait vraiment rien qui était là pour jusqu'en mai, à peu près. Et je me demandais, c'est quand même stressant, parce que oui, j'ai accumulé un peu de sous, quand même, j'ai fait attention. Mais j'étais tellement habituée de travailler tous les jours, 12 heures par jour. Et là, de rien faire, de me lever chez moi, puis de faire, bon, ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Ben, à un moment donné, je me suis dit, ben non, profite de ce temps-là. Parce que bientôt, tu vas retomber dans un autre rush intensif. Donc, c'est un peu... faut pas se sentir coupable quand on a des phases où le travail est moins présent. J'en ai profité pour lire des livres, ça c'est important, voir ma famille, ceux que j'aime, puis aussi préparer d'autres projets pour justement que ça arrive pas trop souvent. Et justement, on va pouvoir te retrouver, retrouver ta signature artistique dans Où tu vas quand tu dors en marchant, parcours déambulatoire au Carrefour international de théâtre. Oui. Pour tous ceux qui sont allés l'année dernière, ça va être le même tableau, mouvement perpétuel, qu'on retrouvera du jeudi au dimanche à partir du 27 mai jusqu'au 3 juin, 21h. Oui. Julia a visité le parcours l'année dernière. Oui, c'est vrai. Elle t'avait déjà interviewé à ce sujet aussi. Julia, je pense que tu voulais lui demander si on faisait des changements d'année en année sur un tableau qui doit être le même. C'est pas écrit sur ta feuille, mais je me souviens que oui, ça tentait de savoir. Oui, effectivement, le parcours où tu vas quand tu dors en marchant, c'est des cycles de 2 ans. Donc là, cette année, c'est la deuxième année. Et oui, on a fait des modifications. Chacune des stations va avoir fait des modifications. Okay. Et cette année, nous, quand même, on a réduit un peu notre espace. On traverse plus la rue. On reste seulement sur le premier bout, notre première section. Et tu vas voir, ça a eu des impacts quand même sur notre décor, sur la musique et tout. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu l'année passée, vous pourrez revenir cette année et ce sera une nouvelle, on l'appelle Mouvement Perpétuel 2.0. Wow, le nom du tableau donc. Mm. Merci beaucoup à tout d'abord tous nos invités qui sont venus autour de la table. Webster, Sophie Thibault, Bach, Émilie Rivard de s'être prêtée au jeu. Je félicite également mes 3 co-animatrices qui ont géré d'une main de maître. Bravo! Cette entrevue, Briseis, Emma, Julia, vous les retrouvez sur lemachinclub.com, sur tous les réseaux sociaux, ça n'a pas arrêté de filmer de long en large et en travers. Et moi, mon nom, c'était Jessica Leb, j'étais ravie de passer ce printemps du Machin Club avec vous. Également, mention à Pamela Bisson qui accompagne ce beau petit groupe à chaque fois. Je vous laisse avec la suite de la programmation du Radioton, c'est Émile Proucloutier qui nous rejoint dans quelques instants, restez avec nous.